Les débats. Pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Et voilà, donc bonsoir à tous, 0h42, on est un petit peu en retard, donc c'est un peu de ma faute parce que j'ai eu des petits problèmes, mais c'est pas grave. Donc là, vous venez d'entendre deux passages des Bee Gees, Philippe, si tu peux... Elle est Woman, et le deuxième, je te laisse l'annoncer quand même. Ouais, mais Steve... Love. Steve là, bah, voilà. donc c'était le 1, je pense que ça devait être la fève du samedi soir. Non, c'était L.A. Woman. Non, c'est le deuxième, la fièvre du samedi soir, et le premier c'était... L.A. Woman. Ouais, mais c'était quoi comme film à peu près Ça devait être un film Rocky d'une... Catch, je crois. Ouais, ça devait être dans Rocky. Non, ça, je pense pas. Enfin bref. Bon, enfin bref. C'était un bon film. Voilà. Donc, le premier débat, il va porter sur les boîtes de nuit. Donc, on va accueillir pour ça Crouton, 21 ans de Beauvais. On peut écouter sans Fun Radio sur 101.9. À mon avis, tu vois, Manu, oui. Manu, à mon avis, Beauvais, on écoute. Beauvais, c'est dans l'Oise. Ouais. Et dans c'est l'Oise. 101.9. Non, à mon avis, je pense pas. Bah, c'est marqué sur mon truc. Ah ouais, mais c'est marqué sur ton truc, mais ton truc, il doit pas être à jour. Ouais. Ok. Alors je peux pas savoir, je m'en excuse. Donc alors Beauvais, ça m'étonnerait que ça soit sur 101.9. Crouton, t'es là pour me confirmer? Oui, bonsoir Gérard, mes respects d'abord. Bonsoir. Donc est-ce que merci Drothée. C'est pas moi. Non mais tu peux me confirmer la fréquence? 101.9, oui. Ah non, Beauvais dans l'Oise. Attends Gérard, elle habite dans l'Oise. Si elle te dit que c'est sa fréquence, c'est la sienne. Non, mais attends. Bon, on va faire des recherches. On va faire des recherches, on continue les présentations. Allez, on y va. Donc, petit poil, donc à Bondy, donc 101.9, pas de problème pour cette fréquence. 23 ans. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oh là, vous vous réveillez quand je dis bonsoir ou pas, là? Allô? Oui. Tu m'entends? Allô? Oui? Bon bah bonsoir. Oh là, ça commence très très très mal, hein, Fildar. Je sais pas comment... Allô? Non mais t'entends, Gérard. Bah, de toute manière, tuteur d'Aix-en-Provence, on peut écouter Fun Radio sur 103.1. Ouais, c'est ça, c'est là-bas. Voilà. Oignon, donc Brest, 98.9. Oui, bonsoir Gérard, bonsoir à toute l'équipe. Mm-hmm. Tony. Bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Tony, allez. 20 ans. Arnette. Non, il n'y a pas d'Arnette. Hein. Ouais, mais Tony, gentil. Hein. Ah oui. Ok. Sans problème. Ok. On est gentil, donc on peut écouter... On est gentil, puis on écoute Fun Radio sur 101.9. Voilà. Et col roulé. Ouais, donc, qu'on peut écouter Fun Radio Lille 96.8. Exact. Et voilà. Donc, alors, les débats vont porter sur les boîtes de nuit. Donc, avez-vous déjà été en boîte de nuit? Non, mais attendez. Là, je vais pas commencer à parler dans un mur. Calme-toi, Gégé, calme-toi. Mais attends, Tony. Non, Tony. Mais, oui. Attendez, s'il vous plaît, derrière. Pas dès le début comme ça. C'est non, pas Tony, rien. Tony. Oui. Tony, je vais me calmer. Et de manière que tu sais que la semaine dernière, je t'ai eu, ok? Ouais, non. Donc, moi, je voudrais, quand je pose la première question, je voudrais pas déjà avoir un blanc. Parce que donc, là... Attends, j'ai une idée pour savoir. Barre de blanc, quand tu poses la première question, tu fais, par exemple, col roulé, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Tu vois, comme ça, il y aura moins de blanc. Alors, déjà. Donc, déjà, la première question, avez-vous déjà été dans une boîte de nuit? On va demander à... Col roulé. Col roulé, pourquoi pas? Ouais, bah ok. Ouais, bah ouais, moi j'ai déjà été en boîte de nuit, ouais. Mm-hmm. Et puis, en fait, je voudrais dire que c'est vachement cool parce que tu rencontres plein de gens. Ouais, mais ça... Non, mais attends, là, déjà, commencez pas à me casser le thème du débat, parce que, petit à petit, on va y revenir là-dessus. J'approfondis, voilà. Bon. Donc, pour toi, t'as déjà été en boîte de nuit. Voilà, quoi. Ouais. Tu peux me citer... Non, ouais, j'allais dire... Tu peux me citer les... Non, pas de marque. Tony. Oui, bien sûr, je suis déjà allé en boîte de nuit. Mm-hmm. Bah, j'aime bien y aller, mais je préfère plutôt les ambiances soirées. Dans quel sens? Si ça te dérange pas. Non, ça me dérange pas du tout, mon Gérard. Je préfère, si tu veux, je préfère les soirées parce qu'en boîte de nuit, je trouve bon, c'est bien, on s'éclate bien. Ouais. Mais je trouve ça un petit peu, il y a trop de monde, si tu veux. On fait moins de rencontres que, par exemple, si on fait une petite soirée en appartement. Ouais, non, mais dans ces cas-là, Tony, je te renvoie là. Voilà, mais attendez derrière, s'il vous plaît. Bah, tu me renvoies un rôle là, parce que j'ai entendu un. Non, je t'envoie pas un RO, parce que je dis aux gens qui sont derrière qui se calment, parce que moi je vais quand même répondre à la question. Donc je suis d'accord avec toi. Donc c'est vrai qu'on a du mal à dans des boîtes de nuit, je pense que c'est col roulé qu'a dit, on peut faire plus de rencontres. Moi je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Hein. Ah, bah si, ça dépend tempérament aussi, hein, GG. Oui, mais. Oui. Tu vas vers les gens, franchement, tu peux faire des rencontres, quoi. Oui, mais par exemple. C'est pas que des bonnes rencontres, hein. Qui ouais, c'est qui. Dépend, attends, Tony. Qui c'est qui vient de dire derrière. C'est moi, c'est Crouton. Oui, Crouton. Ben, vas-y, alors, dis-toi. Dis ta pensée. Moi, personnellement, je crois que c'est pas que des bonnes rencontres. Oui, mais dans ces cas-là. Je vais rejouer avec les jeux avec Manu. Pourquoi et comment? Donc pourquoi que c'est pas des bonnes rencontres? Quand je dis pas que des bonnes rencontres, ça veut dire que tu peux tomber sur des gens sympas et des gens sincères, comme tu peux tomber sur des loups. Hein. Ouais, non. Attendez. Attendez. Là, je vais demander à Tony. Oui. Col roulé. Ouais. Crouton. Mm-hmm. Donc on va laisser parler les autres. Après on va essayer de rentrer dans le débat. Non, on va essayer d'approfondir la question. Parce que moi je peux vous dire que des rencontres, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire là-dedans. Donc petit poil pour toi. Alors pour moi j'aime bien aller en boîte pour m'éclater, pas forcément pour draguer, pour être dans mon trip sur la techno. Oui. J'aime bien aussi les soirées pour plus rigoler, faire connaissance. Voilà, comme moi. Ok. Tuteur ? Moi, j'aime bien aller en boîte pour me détendre le week-end quand j'ai rien à faire. Et puis, on peut sûrement faire des rencontres sympas. Et puis, quand elles disent qu'on peut en tomber sur des gens pas cool et tout ça, je veux dire, où que t'ailles, de toute façon... Tu peux avoir des gens sympas ou pas, quoi, donc... Excuse-moi, Gérard, est-ce que je peux poser une question à cette jeune demoiselle? Oui, tuteur, si tu veux. Mais attends, Tony, oui. On a Ognon qui n'a pas répondu encore. Ouais, Gérard, bien sûr, ouais, je vais en boîte une fois par semaine à peu près, quoi. Mm-hmm. Tous les week-ends, plutôt le samedi. De chance. Et voilà, quoi, je m'éclate bien, plutôt dans les boîtes techno. Mais bien sûr, tout le monde me parle de boîte techno, mais il n'y a pas que la techno en France. Ah ouais, mais ça dépend en fonction de toi, ton style de musique. Moi, je préfère aller dans une boîte pour m'éclater sur de la techno plutôt que... Enfin, je sais pas, je me vois mal en boîte pour danser sur du rap, par exemple, ou du ragamuff. Ouais, voilà. Ouais, exactement. Attendez, on va quand même... On va quand même éclaircir la question. Donc, ça devient intellectuel, ces débats. Ouh là là. Ouais, mais avez-vous déjà été en boîte de nuit? Donc moi, je peux vous le dire, oui, parce que j'y ai été plus d'une fois. Tony, je pense que tu dois savoir où. À la loco. Voilà. Donc, on n'en parlerait pas. Non, mais justement, donc, on va en parler parce qu'il y a quand même Jean-Marie Kett, tout à l'heure, qui était parmi... Ouais. Avec Max, qui en a parlé. Donc, maintenant, si je retourne plus à la loco, c'est que à l'heure actuelle, moi, j'ai trouvé la personne avec qui faire ma vie. Ouais, mais attends. Je mets ça du dessus. Gérard, tu peux retourner en boîte pour t'éclater avec Sandy. Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'est pas forcé d'aller en boîte pour trouver une nana. Voilà. Je pense qu'à la loco, de toute manière, vous n'allez pas trouver la chaussure à votre pied. Exactement. Ah, je pense pas. Hein. Pourquoi? Ah non, parce que y a trop de nanas. Il y a un tas de nymphomanes, il faut le dire. Oui, mais de toute manière, attendez, pour finir, pour répondre à la question à Tony. Oui. Donc, moi, je peux te dire, des nymphos, je vais dire une chose, c'est même pas un nympho. C'est que c'est des allumeuses pour moi. Ah ouais, exactement, je suis d'accord. T'as plus d'une personne, ils vont te dire, ouais, ben, tu me payes un verre, et après, ça va se terminer. Ouais, juste, non, c'est vrai, juste, hein. Attendez. Ouais. Attendez, tout le monde me dira oui ou non derrière si vous n'êtes pas d'accord. D'accord. Mais moi, je peux vous dire une chose, que ça se termine à la fin, juste par un verre ou par une soirée à la Casbah. Et après, c'est terminé, tu ne revois plus la personne. Ouais. C'est une autre boîte, ça, la Casbah ? Non, ça, c'est mon terme... Ah, pour dire chez toi ? Non, c'est mon nouveau... Mon nouveau truc, j'ai envie de dire, c'est tout. Ah d'accord. Donc, ouais, Gérard, Oignon, j'avais une question. Oui, mais attends, attendez. Me laissez voir sur Internet si des fois on a des réponses sur la première, non ? Pas pour l'instant, non. Non, pas pour l'instant. Ok, Rigo, mais de toute manière, tu peux réagir sur Internet. T'inquiète. Donc, c'est quoi le site Internet ? C'est irc.funradio.fr. Voilà, donc vous pouvez réagir sur le débat de la boîte de nuit. Et le deuxième portera sur les routiers. Alors donc, Oignon, tu voulais rajouter quelque chose ? Ouais, est-ce que ça t'est déjà arrivé, parce que justement, je t'entends parler de ça, ça t'est déjà arrivé de te faire draguer par une allumeuse ? Oui. Ça m'est déjà arrivé, oui. Sans indiscrétion, quoi. Oui. Comment ça s'est passé, bien, tout honneur ? Non, mais je peux te dire que en boîte de nuit, même à la loco, même que j'étais avec Sandy, ouais. Sandy, ça fait 8 mois que je la connais. Ouais. Je peux te dire une chose, que j'ai eu des gens, des nanas qui sont venus me voir et ça s'est terminé comme t'as dit, quoi, par un verre. Non, ça s'est pas terminé par un verre, c'est non. Que. Et avant Sandy. Avant Sandy, il y avait rien d'autre. T'avais connu qui hein? À part Christine, c'est tout. Qu'on salue d'ailleurs. Tu l'avais rencontré pas à la loco celle-là. Tu l'avais rencontré. Non, mais Tony. Oui. Tony. Non, mais... On la salue pas elle. Ah pardon. Qui t'avais rencontré à la loco? J'ai rencontré plus d'une personne que je pense qu'elle nous écoute donc voilà. Non mais c'est qui? Ah non, mais je citerai pas tous les noms. Ah, pourquoi ? Il y en a trop. Parce que c'est pas le terme du débat. Hein. Non, c'est pas le thème du débat. D'accord. C'est des morts de soi. Je veux répondre à la question que tu disais. Donc, oui. Des nanas qui allument, oui. Et qui sont payées un verre et puis qui se cassent. Hein. Mm-hmm. C'est ça, hein ? Mm-hmm. Ouais, donc qui veut répondre à la question ? Non, mais c'est... Moi, c'est vrai. Hein. Franchement, il y en a beaucoup comme ça. Hein. Ah, de toute manière, dans les boîtes de nuit, de toute manière, c'est ça. Si t'es à pied et que la nana, elle a un petit coup dans le verre, un petit coup dans le nez, c'est de savoir si le mec, il a une voiture pour la raccompagner. Et après, ça se termine dans le plumard. Non, attendez. Oh, on se calme, Tony. Oui, ce qu'il faut dire, Gérard aussi. Non, mais Tony, oui. On dit pas ça se termine au tribunal, d'accord ? Ah, non, mais je sais pas. Parce que sinon, non, Tony. Attends, Tony. C'était pas Tony, Gérard, c'était Oignon. C'était Oignon, c'est moi. Bon, Oignon, Manu, tu me prends Oignon et tu lui dis qu'il reste. Je me calme, Gérard, je me calme. Donc je lui prends l'oignon et je lui dis. Non, tu le prends hors antenne. Tu prends l'oignon de Tony. Tu prends Oignon et je tu me dis. Me non, mais tu vas aller voir Manu là pour je l'instant. Pas de problème, je me calme, Gérard. Parce que cet après-midi on a fait une réunion avec toute l'équipe. Ouais, donc justement. Je voudrais. Donc c'est cet après-midi et là il est 1h du matin. Donc on ouais, non, mais je voudrais que le débat se passe comme la semaine dernière. Okay. Impeccable. Qui c'est qui va prendre le cul là parce que je suis perdu. Oui, alors, Gérard. Oui. Je voulais dire aussi, faut pas généraliser, toutes les filles ne sont pas comme ça. Hein. Ouais, non mais attends, c'est qui parle là ? Petit poil là. Oui, mais petit poil. Moi je vais dire une chose, t'as certaines nanas, quand tu les vois à la loco, faut dire une chose, faut voir comment vous êtes habillés. Parce que les trois quarts... Ouais, les trois quarts, mais pas toutes. Ouais, mais... Mais d'accord, vous venez en boîte pour vous éclater. Mais nous on veut vous éclater, c'est ça le truc. venez pas dans ces cas-là nous allumer. Gérard, si on vous allume c'est pour avoir un verre. Hein. Ouais, mais nous on veut bien payer un verre, mais il faut que vous couchiez. Tony. Je sais pas si t'es d'accord avec Non, mais c'est bon, on arrête, parce que là, sinon, la question, on va en faire... Ok. On va garder... Je veux dire quelque chose, c'est un tuteur qui parle. Oui. Là, les filles, moi j'en fais partie, j'en ai déjà fait partie, quoi, qui vient de la boîte, que pour trouver un mec. Mm-hmm. Donc... Ouais, mais il y a un tuteur. tuteur. Est-ce que tu crois que dans une boîte de nuit, tu as rencontré l'âme sœur? Ah, si, non, elle m'a rencontré col roulé, c'est tranquille. Voilà. Non, non, mais col roulé, s'il te plaît, tu te calmes. Ok. Hein? D'accord. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Que pensez-vous des ball traps en plein air? Des quoi? Des quoi? Des ball traps. Alors, un ball trap, c'est quoi? Rigo, oui. Non, il se demande ce que c'est un ball trap. C'est un bal? Un ball trap, c'est des soirées qui sont organisées en plein air. Ah ouais. Bon, style, par exemple, la fête. Non, pas la fête à Neneu, parce qu'il n'y a pas de bal. La fête des loges? La fête des loges? Non, du trône? Non. Où c'est qu'on pourrait trouver des ball traps? Bah, dans mon village, à la kermesse. Les kermesses, toutes les kermesses, il y a des balles à la fin. Genre kermesse. Il y a pas mal de balles tringues aussi chez Manu. Non, des balles trappes, abruti. Ah, pardon. Commence pas, toi, parce que sinon, toi, je vais te gaufrer, toi. Gérard, sur IRC, on me dit que les balles trappes, c'est à trappe. Non, mais balles trappes, c'est des trucs pour danser. C'est pas à trappe spécialement. Ouais, mais t'as les farces à trappe aussi. Ouais, mais ça, les farces à trappe, ça, c'est autre chose. Bah, c'est comme un bal, hein. Oui, mais donc répondez déjà à la question. D'accord. Alors, Crouton. Bah moi je pense que c'est pas mal, mais enfin c'est peut-être réservé à une certaine catégorie d'âge. Oh là, mais Crouton. Oui. Crouton, t'as un téléphone sans fil? Bah non, enfin si, ouais, c'est un sans fil, mais c'est pas un portable. Ah, ça marche pas avec les GSM. Moi je suis pas d'accord. Non mais apparemment t'as un décalage entre nous. C'est vrai? Ouais, parce que. Non, ça va. Moi, je suis plus près possible, je peux pas faire plus près. Vas-y, avale-le. Non, mais on se calme derrière, hein. Tony. Tony, on se calme. Désolé, c'est pas moi. C'est le col roulé. Alors, moi, je suis pas d'accord avec Crouton. Bon, attendez. On y va, répondez à la question sur les balles trappes. Petit poil. Petit poil, je suis pas d'accord avec Crouton qui dit que c'est pour un certain âge. Moi, je dirais, quand tu vas dans des petits patelins, il y a des jeunes aussi, hein, ils ont pas le choix, hein, donc il faut bien qu'ils aillent. Essayer les balles à trappe pour rencontrer des personnes. Ouais, non, mais balles trappe, c'est... Pour voir attends, Tony, s'il te plaît. Pardon. Je vais y répondre quand même, parce que c'est quand même moi qui gère le débat. Oui, ouais. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Donc, le balles trappe, c'est un truc qui se passe en plein air, de la musique. Ouais, mais... C'est comme la fête de la musique, quoi, c'est en plein air. Bah oui, si tu veux. C'est pour ça que je dis les balles trappes, parce qu'on peut pas, on peut très bien parler de la fête de la musique. Justement, ça sera la 11e question, donc tu y reviens maintenant, donc c'est même pas la peine. Donc c'est pareil sur la fête de la musique. Est-ce que tu peux rencontrer des gens? Oui. Bah bien sûr, tu peux faire connaissance de plusieurs personnes. Mm-hmm. En prenant un verre. En dansant, en écoutant la musique, quoi. Moi, ce que je voulais dire, c'est que Petit Poil, elle dit qu'elle voit des jeunes, mais moi, je suis déjà allé à des balles trappes et c'est sûr. Bon, Tony. Oui. Bon, vas-y, alors toi. Ouais, mais parce qu'il y a. Non, mais cours, hein, parce que. Faut qu'à une heure. Faut qu'à une heure et demie, j'attaque le deuxième, On a pris plus tard, donc on peut aller au moins jusqu'à 2h moins le quart, quand même. Ouais, non, une heure et demie, comme la semaine dernière. Non, 2h moins quart, quand même. Non, c'est pareil. Oh, c'est pas vous. Oh, pas de politique, là. Non, mais c'est pas vous qui commandez. Donc moi, j'ai les consignes, c'est une heure et demie terminé, le deuxième, deux heures moins le quart jusqu'à 3h. Est-ce que je peux réagir au débat quand même? Il décide, hein, y a pas à discuter. Hein. Bon, moi, je voulais réagir à la personne. Donc, alors, Tony. Oui, je voulais réagir à la personne qui vient de parler. Oui, c'est qui, Paul? Oui, tu disais que... Mais tu sais attends, Tony. Oui. Bah, moi, je voudrais savoir qui c'est qui a un téléphone qui est pourri, parce que là, c'est impossible. Ouais, ça, c'est pas trop grave. On l'a dit, Gérard, qui c'était. C'est Petit Poil, c'est ça? Ah non, c'est pas moi. Ah, c'est pas Petit Poil, c'est Crouton, mais c'est rapproché de la base et ça devrait aller mieux. Voilà, ça va mieux, là. Ça va mieux. Ouais, non, mais là, on va pas continuer le débat avec un son comme ça. Hein. Non, mais écoute, Gérard, je suis déjà passé dans le débat et ça a jamais fait ça, quoi. Ah, mais alors pourquoi qu'aujourd'hui ça le fait? Eh ben, ça vient du standard. Je m'excuse, t'énerve pas, c'est peut-être pas que moi. Donc, c'est pas la première fois que t'appelles, toi? Bah non, c'est pas la première fois. Non, elle a appelé l'année dernière quand on faisait des débats la nuit. Voilà. Bon, donc, Tony. Oui, moi, je voulais réagir à ce que disait Petit Poil, parce qu'elle disait qu'il y avait beaucoup de jeunes qui venaient à des baltrapes. Moi, je suis allé à des baltrapes. Mm-hmm. Et les jeunes que j'ai vus, c'était des bouseux qui venaient en tracteur. Non, mais attends, pourquoi des bouseux? Bah, parce que c'est surtout. Sur la boue. Non, mais attends, Tony. Oui. Pourquoi tu as tout de suite cherché des trucs comme ça, des gens. Bah, écoute, je te fais part de mon expérience. Ouais, ah ouais, mais. C'est peut-être pas dans les bons endroits que t'as été, hein. Ah bah écoute, moi je suis allé à Jouy en Josas et à. Non, mais ça y est, c'est bon, c'est pas la peine de citer les villes. Ok, Tony? Ok. Donc, t'as été dans certaines villes et ça s'est mal terminé, c'est ça? Non, pas du tout, parce qu'elle disait que les jeunes, il y avait beaucoup de jeunes. Moi j'ai vu que des vieux et puis des mecs qui venaient en tracteur. Bon, on va demander à tuteur. Bah moi, je suis jamais allé dans un baltrap, mais je trouve que c'est pas très sympa de dire des bouseux, parce que je trouve que c'est méprisant. Non, mais attends. Okay, me détache, ouais, stop, Tony. Mais non, pas moi. Tony. Ah, c'est cool. Eh, hey, Tony. Oui. Attends, tuteur à Aix-en-Provence, je pense que t'as dû déjà aller dans des baltrapes. Non. Me dis pas le contraire. Ah bah, ouais, attends, à Aix-en-Provence. Il y a le festival en plus là-bas. Il y a pas mal de trucs. Mais si tu veux, ça fait que 7 années que j'habite, donc... Ah ouais, donc il n'y a pas longtemps. Parce qu'il y a le festival des baltrapes, là-bas. Ok. Oignon. Ouais, bah moi, j'ai jamais été dans un baltrap, mais bon, pour les fans de balmusette et licence 4 en tout genre, ouais, ça peut être sympa. Non, mais ça, on en a rien à foutre de licence 4. Non, mais moi, je vais te dire tout de suite qu'on en a rien à foutre de licence 4, parce que je sais sur ce que tu veux me parler. Mais c'est quoi la différence entre baltrap et balmusette, par exemple? Non, mais attends, licence 4, il veut parler c'est de... C'est un groupe, licence 4, qui disait... Viens boire un petit coup à la maison. Mais c'est du balmusette. Ouais, mais d'accord, mais... Alors, quelle est la différence, Gérard? Entre baltrap et balmusette. Est-ce que tu pourrais expliquer la différence aux autres? Là-dessus, non. Pourquoi? C'est pas pareil. Ouais, c'est pas pareil. C'est peut-être pas la même musique. C'est pas du tout la même musique. Qu'est-ce qu'on écoute dans les baltrap alors, comme musique? Bon, un peu de tout. Hein. C'est-à-dire? T'écoutes... De l'accordéon, t'écoutes... Yvette Orner. Non, de l'accordéon, on vient de le dire. Alors, De la guitare, avec qui? Du synthé, hein. Je pense pas que Jean-Michel Jarre ferait un truc sur les baltrapes, hein. Ben, si, de l'affaire. Non. Il joue de l'accordéon électronique, hein. Ouais, non, mais attends, Tony. Oui. Tony. J'ai déjà vu, hein. Non, mais attends, c'est toi qui viens de dire de l'accordéon électronique. Oui, tout à fait. Hein. Ouais, ça existe. Ouais. Hein. Eh ben, je vais te dire une chose, que lui, Jean-Michel Jarre. Oui. Merci. Je t'écoute. C'était qui? C'est bon, c'était Oignon, mais je vais le rappeler tout de suite. Ah, ok. Oh ouais, non mais attends. Non, parce que il a un téléphone qui s'est déchargé, on va le rappeler. Ah ouais, non mais attends, Manu. Ah, Manu, pause. Manu, oui, Manu. Oui, je t'écoute. Non mais attends, si c'est un téléphone que la personne reste au bout d'une heure et que ça se termine, c'est pas la peine, hein. Bah, le débat dans une heure il sera terminé, hein. Tu prends sur d'autres lignes, c'est tout, hein. OK. On parlait de Jean-Michel Jarre. Je répondais à Tony. Oui. Donc moi je peux te dire une chose, que Jean-Michel Jarre, quand il fait venir des gens, fais-moi confiance qu'il fait déplacer des camions. Et son truc c'est pas de l'accordéon, comme tu dis. Moi, c'est ça. Non mais attends Tony. Ouais. Tony, tu me laisses finir. De cette manière, on va faire. Là, on va pas en discuter trop. Parce que je risque la semaine prochaine de faire un débat sur les synthés. Carrément. Mais genre, sur quoi sur la santé? Non, le synthé. C'est quoi ça? Le synthétiseur. Est-ce que t'as déjà joué du synthé, toi, Gérard? Non. Oui. Est-ce que tu penses que toi, les baltrapes, c'est de la balle? Baltrapes, c'est de la balle. Ça dépend dans quel sens que tu veux le dire. Bah, dans le sens figuré. Ouais, mais dans quel... Ouais. Ouais, mais dans quel sens? Pas au sens propre, hein. Ouais, mais dans quel sens? Pour toi, tu veux le prendre, ça? C'est-à-dire, c'est de la balle, c'est bien, quoi. C'est de la balle, tu peux même dire c'est de la bombe bébé. Ouais, c'est de la bombe. Oh, ouais, voilà. La base de pop, tout ça. Ok. Bon, on passe à la troisième. Il y a Col Roulé qui a pas répondu. Col Roulé, voilà. Oui, pardon, excuse-moi. Ouais, non, c'est pas grave, j'ai été tout effusé. Mm-hmm. En fait, moi, je veux dire sur les baltrapes que j'étais un petit peu de la vie de Tony. Mm-hmm. C'est que, en fait, bon, c'est réservé à une certaine catégorie de gens, quoi, à peu près la cinquantaine, quoi, et plus. Non, mais attendez, stop. on va pas mettre les personnes âgées là-dedans, parce que de toute manière un baltrap c'est fait pour tout âge. Ouais, non, pour tous pour tout attends, type d'âge. Ça peut être de 7 ans jusqu'à 77 ans. Donc chacun attendez, mais pas tous en même temps, hein, merci. Donc ça peut être de 7 ans à 77 ans et chacun fait ce qu'il veut. S'il a pas envie de danser sur la musique, ne danse pas. Ouais, on est d'accord. Non, ouais, c'est clair. Mais attends, j'ai pas fini de dire. Donc j'ai dit qu'en fait c'était réservé à une certaine catégorie d'âge. Il y avait aussi des gens qui étaient un petit peu moins âgés. Mais le problème c'est qu'ils avaient le même tempérament, quoi. Bah oui, mais maintenant. C'est pour une certaine catégorie de gens, quoi. Ouais, mais col roulé. Ouais. Col roulé. Moi je vais te dire une chose. Que dans les baltrap, tu vois, tout style d'âge. T'as pas un âge spécial. Non, d'accord, mais c'est tous des gens qui écoutent que de l'accordéon, quoi. Parce que Gérard, non, pas spécialement que de l'accordéon. Est-ce que tu as déjà été, toi, Gérard? Non. C'est Oignon hein, qui demande. Tu verras jamais des jeunes danser sur Verschuren. Mais ouais, si. Hein. Non, mais attendez, non, mais on va pas s'amuser à prendre des noms comme ça, danser sur André Verschuren, okay, sur Evert Turner, ou sur Brel. Ou autre, ouais, parce que des accordéonistes, on en a pas mal. C'est bidon. Ouais, ouais, c'est bidon, bah, ouais. Si ça te plaît pas. Bah, ça dépend de l'âge. Non, mais attends, il y en a un qui vient de dire si c'est bidon. Pour toi, si c'est bidon, la question. Non, tu fais non, c'est l'accordéon qui est bidon. C'est l'accordéon qui était bidon, pas la question. Bah ouais, mais dans ce cas-là. Il en écoute pas, il sait tout. S'il aime pas, il en achète. Il en écoute pas les autres. Non, mais il achète autre chose comme CD. Bah bien sûr, on peut écouter les deux aussi, hein. On peut aimer l'accordéon et la techno. Et on peut non, mais attendez, parce que là, si on part comme ça sur l'accordéon et sur la techno, je peux tenir jusqu'à 3 heures, voire 4 heures, et on fera qu'un débat. Non, on passe à la troisième question. D'ailleurs, moi, j'ai acheté Cyber accordéon volume 4, c'était le top. Ouais, bah bien sûr, dis-moi plutôt musique de nuit volume 4, tu veux? Oui. Anthony. Cyber accordéon volume 4. C'est ouais, ouais. Non, mais musique de nuit volume 4. Ouais, mais ok, bon, Tony. Terminé, stop. Donc, la troisième question. Quel genre de danse que vous aimez? Donc, vous allez réfléchir à cette question. Alors, répète la question. Quel genre de danse aimez-vous, par exemple, quand vous allez en boîte de nuit? Voilà. Parce que bon, faut bien tourner la question pour maquiller. Bah ouais, mais j'ai pas précisé toujours. Dans le monde de la nuit, le monde des boîtes de nuit, des DJs, tout ça. Voilà. Okay. Et donc, on va s'écouter Guy Préjean avec Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute. Et vous pouvez toujours. Attends, on va la refaire. Oh là là, c'était une horreur là. Alors donc, on va écouter Guy Préjean avec « Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute » et vous pouvez toujours nous appeler au 0800 70 5000, le numéro vert, et voilà. 0800 3 08 5000 si ça ne fonctionne plus, voilà. Voilà. Et toujours site internet. Et voilà, rebonsoir à tous, 1h13, vous êtes toujours en direct de Fun Radio, c'est toujours les débats de Gérard. Et donc, vous venez d'écouter Guy Préjean avec « Viens voir la vie de l'autre côté de l'autoroute » et on récupère Crouton... Oui, bonsoir. Petit Poil. Rebonsoir. Rebonsoir. Tuteur. Salut. Oignon. Oui, toujours fidèle. Ok, le prochain coup que tu raccroches, on prend quelqu'un d'autre. Ça vient pas de moi, ça vient de mon téléphone, genre. Ouais, non, mais je te dis tout de suite... Dès que tu raccroches, d'accord. Hop, on prend quelqu'un d'autre. D'accord. Tony. Salut, je te kiffe. Rebond. Ouais, mais moi je te kiffe pas. D'accord. Alors Tony, tu restes poli s'il te plaît, merci. D'accord. Et col roulé pour terminer. Et donc. La question c'était quoi? Donc quel genre de danse que vous aimez en boîte de nuit? En boîte de nuit, même voire autre, c'est-à-dire bien sûr sur dans les baltrap ou Oignon, autre. Oignon. Oui, Oignon. Moi, je voulais répondre. Moi, il y a un style que j'adore, c'est les breakers. C'est ceux qui font des waves, tout ça, c'est les vagues là. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est génial. Ça. En boîte, ça se voit souvent en boîte de nuit. C'est ouais. Généralement vers 2-3 heures du matin. Quand ils sont tous pétés, ouais. Bon, enfin bref. Ils roulent sur la tête là, comme des. Col roulé. Ouais, bah alors moi, comme danse, ce que j'aime bien, c'est le tango, tu vois. Ouais. Et baltrap, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Parce que en fait, c'est une technique de drague, quoi. Non, mais attends, col roulé. Col roulé. Ouais. Col roulé. Ouais. Je pense qu'à mon avis, tu reviens dans la deuxième question et on va pas s'éterniser. Ouais, mais non, je t'assure. En fait, tu vois, j'aime bien cette danse, mais en plus, c'est une technique de drague, quoi. Bah oui, tout à fait. Quand je remue, tu vois, mes petites fesses et tout. Ben... Ouais, c'est le métro qui passe, là. Ouais, voilà. Ouais, Bon, tu m'écoutes, IG ? Ouais, ouais. Donc, en fait, tu vois, quand je danse et quand je remue mes petites fesses... Métro de merde, là, qui passe, là. Non, non, mais attends, col roulé, okay. Je suis en train de... Attends, Gérard est perturbé parce qu'il vient d'y avoir un métro à 1h15 du matin, donc ça le perturbe. Non, mais là... Il est passé près, celui-là, quand même. Ouais, normal. Ouais. Ah, c'est la grève. C'est la grève, t'as raison, toi. Ils ont déjà déménagé. Et comment ça se passe? Non, mais ça y est, et hop, on va pas parler des métros. Tuteur. Ben, moi, je sais pas, moi j'aime bien tous les styles de musique, mais c'est vrai qu'en boîte, quand il y a que de la techno, enfin, moi personnellement, ça me lourde, quoi. Donc, ouais. Je préfère aussi. Alors attends, tuteur. Ouais. Dans ces cas-là, t'aimes pas du tout ce que Max y passe le soir? Non, mais attendez. Oignon, Tony et col roulé. Ouais, ouais. Et petit poil et crouton. Ouais. Vous ne dites rien. D'accord. Alors donc, pour toi, tuteur, ce que Max y passe le soir entre 22h et 1h du matin. Donc, c'est pas ton style de musique. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au bout d'un moment, ça commençait à m'agacer. Ouais. Et puis, enfin, moi j'aime mais alors, attends. La techno. J'ai pas dit que j'aimais pas écouter ça. Ouais, mais alors, attends, tuteur. Ouais. Moi, je vais te poser une question. Ouais. Admettons que tu prennes ça de 23h jusqu'à 6h du matin. Ouais. Bah, je peux pas. Ah, bah alors, dans ce cas-là, t'iras jamais à Clichy, alors. Bah si, mais... Bah attends, c'est pas parce que... Non mais attends, Gérard, dans toutes les boîtes, il y a différents styles. Ouais, à la loco, puisque tu parles en fait de la loco, ouais. Tu resterais de chaussée, t'as de la techno, tu vas en bas, t'as du rock, et en haut, t'as de la funk, t'as du rap. Ouais, mais attends, donc t'as mais tous alors, les styles. Dans ce cas-là, pourquoi tu as dit qu'elle aime pas la techno? Donc, elle aime pas ce que Max y passe. Elle a le droit d'aimer ce qu'elle veut. Mais Max, j'ai pas dit ça en plus, Gérard, des fois, parce que j'ai dit, j'aime pas écouter trop de techno, quoi. Mais dans ce cas-là, toute la journée, t'écoutes que ça sur Fun. Non, on parle pas de Fun, on parle des boîtes. Ouais, voilà, en plus. Non, mais attends, moi, je peux lui dire. Oh non. Le dernier Céline Dion est quand même super Deep House. Hein. Là, si vous avez remarqué, ouais, Deep Core. Zora Souris, je l'ai vu, mais de toute manière, c'est pas. Il faut mieux qu'elle arrête de sourire, on est d'accord. Grave tech, hein. Petit poil pour toi. Ouais, alors pour moi, j'aime bien tout style, salsa, zouk, techno. J'aime bien faire des pogos de temps en temps, quand les mecs sont pas trop violents. Mm-hmm. J'aime pas trop le rap, j'aime bien le classique, j'aime bien un peu tout, quoi. Ouais, mais attends, le classique, tu verras jamais ça dans des boîtes de nuit, du classique. Ouais. C'est des boîtes de classique, si. Ouais, mais où? Bah si, il y a des... Non, pas à la loco. Non, à la loco, il y a... Il y a une boîte qui s'appelle l'Opéra, où ils jouent plein de classiques. Mais dans ces cas-là, si on prend l'Opéra Garnier, tout ça... Il n'y a pas que ça, hein. Il y a dans la journée, il y a des boîtes comme, je dirais pas le nom, qui font du dancing. Pour les personnes, bon. Ouais, bah, je vois, tu veux dire 103 Avenue Poche à. Non, c'est pas ça. 79 Non. Oh, pas de marque. Non, mais au 103 Avenue Poche, ils jouent pas mal de dancing. Ouais, mais c'est pas là. Ouais, mais de toute manière, là-dedans, ils en jouent pas mal. Et en plus, c'est une radio que je déteste parce que ça, c'est une radio de. De blaireau. De blaireau. Radio, moi. Hein. Je parle pas de radio. Non, mais moi, je peux te dire une chose que. C'est mieux. Là, où qu'ils vont, au 103 Avenue Poche. Avenue Foch, c'est une radio de blaireau, c'est Radio Montmartre. Alors, je vais dire une chose, le mec qui a envie de s'endormir avec Radio Montmartre et qui se réveille avec ça... Fallait pas le dire, j'ai... Non, mais il est complètement servi. Ah ouais, c'est clair, là, tu tombes dans le coma direct. Ah, mais alors là, t'as entendu André Verschuren, Divert Turner, tout ce qui s'ensuit. Donc, on revient presque à la deuxième question. Ouais. Donc, on entend... file d'art. Pilar, t'es gentil. Bah quoi ? Quand tu manges, t'éteins ton micro, tu fais pas comme mon chef. Hein ? Parce que là, on dirait un vrai porc qui mange. Ah, merci. C'est on dirait un cochon. Alors le chef, il sait manger, mais toi, tu manges comme un cochon. D'accord. Et donc, crouton. Oui, ouais. Bah moi, personnellement, j'adore me chauffer sur de la techno, mais finir un peu sur du reggae, quoi. T'es chaud. Ah ouais, mais... S'il vous plaît. Hey, Tony. Tony. Elle aime bien se chauffer, elle est chaude. Ouais, non, non, mais attends. Tony, oui. tu restes poli parce que sinon je vais t'obliger de te zapper, toi. Chaude aussi, c'est une insulte. Il faut me dire, il faut que tu me fasses une liste. Ouais, bah alors, t'expliques à Tony qui se calme. Non, mais attends. Chaude, des fois ça peut m'être ouais, non, mais on va pas s'éterniser parce qu'il reste encore 7 questions et ouais, il est quand même 1h20 du matin. Alors vas-y, pose ta 4e question. Alors, moi je peux. Quel genre de danse? Moi la question, voilà. Qu'est-ce que t'aimes bien faire en boîte de nuit? Moi, ce que j'aime bien danser, c'est style techno parce que j'ai l'habitude de. Au début, j'y allais. Mmh. Bon, je suis plus maintenant techno, slow et un peu disco. D'accord. Voilà. Et t'étais plus souvent en bar sans te manquer de respect. Bon, Tony, s'il te plaît. N'est-ce pas vrai, Gérard? Ok, ça m'étonnerait. D'accord. Non, sortez-vous en boîte. Attention, c'est la 4e question. Attention, accrochez-vous, c'est la meilleure. Sortez-vous en boîte pour draguer. Non, c'est faux, c'est pas la meilleure. Pourquoi, toi? Parce que t'as déjà rencontré des nanas, toi, dans une boîte? Non. T'as déjà dragué? Non, j'ai déjà dragué, mais j'ai jamais rencontré une nana dans une boîte. Ouais, bah alors... Donc, Crouton? Bah moi, franchement, je crois que la boîte, c'est bien pour s'éclater, mais... Au niveau des gars, c'est pas ça, quoi. Parce qu'en fait, c'est le gars que tu chauffes pour la soirée. Enfin, personnellement, moi, je le chauffe pas parce que j'aime pas ça. Mais c'est bien pour t'amuser une soirée, quoi. Puis après, basta, quoi. Enfin, moi, c'est mon avis, hein. Parce que sinon, après, si tu commences à aller plus loin, en général, c'est sûr que ça va pas durer. Qui c'est qui renipe comme un cochon, là, parce que ça m'énerve? Mais c'est pas le souci, t'as même pas écouté ce qu'elle vient de dire, Crouton. C'est quoi ce travail? Comment veux-tu après réagir par rapport à la question? Mais attends, de toute manière, tu vas pas... sortez-vous en boîte pour draguer. À mon avis, tu n'es pas forcé d'aller en boîte pour draguer. Hein, je suis désolé. Moi, j'y allais. Petit poil. Bah, moi, j'y allais pour draguer quand j'avais 14-15 ans. Ouais, non, mais attends, à 14-15 ans, tu crois que les videurs, ils te font rentrer? Bah, je suis désolé, moi. Non. Avec un petit billet, non. Bah, je suis désolé, je rentrais. Ouais. Non, quand mais attends. Nana, quand t'es nana, il faut rentrer à partir de 14. Ouais, ouais, mais puis ouais. Maintenant. Ouais. Maintenant, puis maintenant avec. Non, mais attendez. Non, mais attends. Hein. Attends, petit poil, tu me laisses finir? Ouais, vas-y. Non, mais c'est pas toi que j'appelle petit poil. Non, okay, toi, t'es trop du cul, toi. D'accord, si tu veux, moi j'ai des gros poils. Trop du cul. Donc, moi, je peux te dire une chose, petit poil, qu'à l'heure actuelle, maintenant, pour aller en boîte de nuit, si t'as pas la majorité, c'est pas la peine. Ah ouais, bah, je peux te dire qu'à la loco, il y a des filles mineures qui rentrent, alors, hein. Ouais. Mais elle rentre avec Gérard. Non. Ouais. Non, mais je rigole. Non, mais à l'époque, moi, on me laissait rentrer. Attends, on est tous allés en boîte à 15 ans, en fait. Donc, quand j'avais 15 ans... Non, mais attendez. Attendez, parce qu'il y a d'autres personnes qui vont réagir. Donc, moi, petit poil, moi, je peux dire une chose. Là-dedans, c'est plutôt des soirées, des après-midi, que les boîtes sont ouvertes aux nanas. Et c'est tout. Bah, moi, je suis pas d'accord. Moi non plus, hein, carrément. Non, mais tu tords. Tuteur. Mais suffit, enfin, je sais pas, personnellement, moi, je suis rentrée en boîte à 15 ans, j'avais un mec qui en avait 18, donc t'as aucun problème. Voilà, à part ouais. Bah ouais, mais de toute manière, ça... Non, mais attendez. Oui, je t'écoute. Et puis, Gérard, quand t'es... Enfin, les filles, de toute façon, elles sont toujours plus âgées, quoi. Ouais, d'accord, parce que la personne à l'entrée ne fait pas gaffe aux cartes d'identité. Il y a aussi le maquillage. Les filles, elles se maquillent. Hein. Exactement, et puis ils vont pas vérifier toutes les cartes d'identité, mais ouais. C'est vrai que les jeunes qui vont en boîte, la plupart du temps, enfin, c'est des gens de mineurs, hein. Ok. Moi, j'ai une anecdote à ce sujet. C'est je connaissais une fille qui n'était pas majeure et qui prenait la carte d'identité de sa mère pour aller en boîte. Ouais, et les mecs, les videurs, ils la laissaient rentrer. Ouais, non, mais attends, dans ce cas, si la personne prend la carte d'identité des parents, ça sert à rien non plus. Bah ouais, mais elle peut rentrer en boîte. Oignon. Des endroits super ouais, Gérard. Oignon. Ouais, je connais un mec qui paye pas ses impôts. Bon, alors toi, Oignon, bonne nuit. Allez hop, toi, non. Et toi, pour toi, c'est terminé, Oignon. Ça y est, il est parti. Tu sais ce il revient pas. Il reviendra dans 2-3 mois quand on aura hop. Le temps. Tony. Oui. Bah, oui, bah, c'est sur la discothèque encore. Hein. Ouais, ah ben, de toute manière, il y a 10 questions, hein. Donc, je pense qu'on n'ira pas jusqu'au bout, hein. Non, moi, ce que je voulais dire, c'est que j'allais à la loco de temps en temps, et ce que j'aimais bien, c'est aller au premier étage. Non mais attends, sortez-vous. On boite pour draguer, Tony. Tu réponds à la question. Ah, ou sinon, je fais comme Oignon, toi. Ah d'accord. Ouais, bah oui, je sors en boîte pour draguer. D'ailleurs, il y a même des fois, ça me surprend parce que ça marche. C'était pas souvent, mais bon. Il y en a qui attendent que ça aussi. Hein. Bon, c'est bon, Tony. Est-ce que vous voulez dire, Tony? Excuse-moi Tony, ouais. Ce que vous voulez dire Tony, en fait, c'est quand il allait au premier étage, c'est plus facile pour draguer parce que c'est pas évident de draguer sur de la techno. Tu montes au premier étage, c'est archi plein, tu descends en bois, en bas au... Mais c'est pas le problème qu'il y ait du monde ou pas, c'est ça. Mais même, de toute manière... Tu peux plus draguer sur de la musique, genre de la funk ou de la soul que de la techno. Ouais, bon, bref, c'est pas... On va demander à Col Roulé. Ouais, d'accord. Ouais, bah alors moi, je voudrais dire que, en fait, je vais pas trop en boîte pour draguer, mais plutôt pour ploter, quoi. Ouais, bah d'accord. Je vois le style que t'es, toi. T'es un gros porc, t'aimes bien mettre la main au cul des nanas. Ouais, bah si. De toute manière, excuse-moi de te le dire, Col Roulé. Ouais. Pour moi, t'es un gros pervers, comme la... Comme petit poil vient de dire. T'aimes bien mettre la main au cul des nanas. Si la nana est bien foutue, tu vas y mettre ta main au cul et après ça, tu vas y monter au sein. Si la jupe elle est à ras des genoux, elle va rentrer sa queue. Et si elle est pas bien, tu le fais quand même pour le rouler? Si elle est pas bien, j'ai un code d'honneur quand même. Pourquoi ce serait toujours les canons qui seraient ploté, pas les boudins? Non, mais attends. Là, comment? Non, on va pas jouer cette famille. C'est pas le cas. Non, mais de toute manière, je m'en fous. Moi, je vais dire une chose, que pourquoi les boudins? Parce que là-dessus, je te répondrai pas. Ah, pourquoi? Oui. Ah, Internet. Rigo. Oui, il y a Davy1 qui te demande, Gérard, si tu aimes sortir en boîte avec des sardines. Non. Et avec des thons? Non plus. Ni avec des macros. Ah, bravo. Voilà. Ok. Alors, je pense que... On va perdre... T'as quelle question? Non. Pour l'instant, c'est moi qui va poser la question, parce qu'il reste 3 minutes. Non, mais attends, on n'a pas 5 minutes. Attends. T'es un vrai fonctionnaire maintenant, toi. Et à 3h, t'arrêtes. 3h pile, t'arrêtes. Ah, ouais. Ok, d'accord. Bon, alors pose ta question, vas-y. Alors, la question... Tiens. Ah, tiens, celle-là, elle est bien. Tiens, toi. Ouais. Comme toi, t'es un apprenti DJ. Ouais, vas-y. Lors de vos soirées, est-ce que vous aimez mixer? Mais... On aura l'occasion aussi, hein. DJ Caca, on t'écoute. Ah non, mais c'est pas moi qui fais le débat, hein, c'est vous. Ah ouais, mais... Hey, Gigi Caca, ouais. Bah, toi qui sais mixer comme un cave. Ouais. Parce que là, t'es un bon mixeur. Ouais. Là, lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais, il fait des bons jus de fruits, hein. Il fait des bons jus de fruits, Rigo. Ouais. Mais lui, il sait mieux mixer que toi. Ouais. Et le chef encore plus. Mm-hmm. Donc toi, t'es un... Ouais. Caca-boudin. Petit DJ. Ouais, un petit qui a besoin d'apprendre. Ouais, oui, Rigo. Oui, encore sur IRC, il y a Malkavian qui me demande c'est quelle marque le mixeur. Ah oui. Seb, c'est bien. Non, mais ça... Pas de marque, Manu. Voilà. Manu, t'as fait oui. Ah, c'est bon. Manu, je vais te mettre une gaufre. Avec du chocolat, s'il te plaît. Oui, non, mais moi, je la mets trop au sucre, la gaufre. Donc, croûton. Franchement, moi, je crois que c'est bien, quoi. Mais faut savoir mixer, déjà, parce que moi, personnellement, c'est pas mon cas. Hein. Mais j'aimerais Non, mais attends, croûton. Oui. Moi, je peux te dire une chose, que je sais plus dans quel reportage que j'ai vu, il y a quand même des nanas qui mixent. Non, bien sûr, Gérard, non, mais c'est pas ça que je te dis. Non, mais je veux dire, j'aimerais bien regarder, hein. Apprendre, je sais pas, c'est vrai que j'aime bien la techno, mais j'apprécie ceux qui... Ouais, mais tiens, justement, comme on parle de techno et qu'on parle de mixer, oui. C'est dommage que Max il soit pas là, mais je vais demander à Rigo. Parce que tout le monde me pose la question. Oui. Par exemple, quand tu prends le vinyle ou le disque, oui. Est-ce que ça esquinte le disque ou pas? Attendez, c'est pas quoi, à vous que je m'adresse. Quoi qui esquinte le disque de le passer? Non, mais quand tu fais le... De scratcher? Ouais. Ouais, ça l'abîme un peu quand même. Mais ça dépend du matériel. Avec du bon matériel, ça abîme pas beaucoup. Ah voilà. Donc parce il y a certaines personnes qui m'ont demandé si on abîmait le disque. Des vigiles demandé. Des vinyles. Toi tout à l'heure, toi là-bas, toi tu vas te prendre des claques. Mais grosse. Non mais qui t'a demandé ça? C'est intéressant. Non non mais ça c'est des gens qui m'ont demandé. Qui sont dans même le... moi personnellement quand j'ai vu Max faire dans des soirées même à la loco, même quand j'ai vu Rigaud dans les studios derrière, je me posais la question. Ouais mais on peut dire que ça use un peu parce que à la base le disque il est lisse et à force de passer le manche dessus ça te fait un sillon. Non. Ouais ça te creuse. Non parce que tu passes la main dessus. Ouais. Toi. Ouais. Donc c'était pour savoir est-ce que le disque après si tu veux le réécouter si t'as la platine tourne-disque est-ce que le disque n'est pas esquinté derrière. Ça dépend parce que si t'as les ongles trop longs ça peut le rayer quoi. Ouais mais je pense pas. Tu prends des disques spéciaux ou n'importe quel disque? Ah ben on va demander à Rigaud. Il y a des styles de disques. C'est pas mon débat, Gérard, c'est ton débat avec les auditeurs. Ouais non mais attends moi j'ai jamais mixé. Non mais on peut dire qu'il y a des disques en laine. Il y en a aussi en marbre. Comme ça c'est voilà, le mieux c'est les disques en marbre. Non, c'est plus résistant. Je te montrerai, j'ai des disques en marbre là. Bon ben tu me feras voir. Je te montrerai. Je demanderai au chef après. Petit poil. Ouais, donc petit poil, ben écoute, l'a déjà mixé chez un copain. J'aime bien ça, par contre, j'ai pas le matos à la maison. Petit poil. Je réponds à la question. Petit poil. Oh, Tony, s'il te plaît. Ouais. On se calme. Oui. Merci. Oui, Gérard, écoute. Donc petit poil, moi je pense que, à mon avis. Je sais pas si Filza pourra me répondre, mais je pense que faut compter à peu près combien pour avoir une table de mixage et tout le bon matériel pour en temps, ou pas? Non. 400 euros à tout casser. Bon, Tony, s'il te plaît. Non mais c'est vrai en plus. Non mais c'est il a ça, raison hein. En plus. C'est 400 euros parce qu'en fait, une bonne table de mixage, t'en as pour allez disons 252. Non. Enfin, entre 250 et 400 francs. Ah ouais. Tu rigoles quoi? Mais non, sérieux. Attends. Non mais attends. Tu as allé. Combien coûte la table mixage qu'on a derrière? Elle coûte 342 francs, je crois, un truc comme ça. Ouais, 400 balles, je crois. Bon, dans les 400 francs. En promo, elle coûte 350. Ouais, non, mais attendez. Moi, je peux vous dire pour avoir du bon matos, c'est ça. Je pense que c'est dommage que Max il soit pas là pour me répondre. Je pense que faut compter entre 1 million et 2 millions pour avoir. Il y a beaucoup de magasins. 2 millions. C'est moins cher maintenant. Et en Russie, c'est encore moins cher. Bon, Tony, s'il te plaît, c'est terminé pour toi. Au revoir. C'est vrai ce qu'il dit, non, Gérard. Non, mais attends. Non, mais c'est la crise. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Attendez, on a Olivier Lapro, là. Un professionnel. Non, il faut compter au moins 50 millions maintenant. Attends, moi, celle que j'ai là-bas dans le studio, c'est 50. Hein. Ouais. Non, mais attends, toi, c'est. Ah, bah, c'est bille. Non, mais c'est de la pro, toi. Ouais, mais toi, c'est pas pareil, toi. C'est avec tous tes petits boutons de caca-boudin. C'est tous tes boutons de caca. Disons que c'est entre 1 million et 2 millions. De toute manière, je demanderai à Max plus tard. C'est con qu'il soit pas là. Bon, Tony. Oui. Tony, pour lui, c'est terminé parce que là. Bon, on va souhaiter une bonne soirée à Tony. Bon, bah, ok, alors. Ah non, mais attendez, faut pas déconner, les mecs, là. Non, mais attends, Tony, s'il te plaît. Tony. Non, mais ce qui est chiant, Gérard. Attends, Tony. Je vais te défendre. Non, mais Tony, s'il te plaît. Oui. Je pense que j'avais été clair la semaine dernière. Non mais attends, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait là. Alors dans ce cas, si tu continues, tu restes calme, ok? Attends, mais alors, on peut pas parler des Russes, je peux pas dire chaud. Non, mais c'est vrai que c'est vachement moins cher en Russie le matériel. Oui. Non, parce qu'il y a la crise. Mais non, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Eh ben, c'est important. Imagine, il y a des DJ français. Mais attends, mais je veux pas faire un débat sur la politique là-dessus. Mais il y a pas de polémique. Non, politique. Ah pardon. Je veux dire que les DJ français qui n'ont pas beaucoup d'argent, ils peuvent très bien aller acheter du matériel en Russie. Alors dans ces cas-là, c'est dommage que Jean-Marie Cas soit plus là, Sonic non plus. Bah appelle, fais un appel. Fais un appel. Si tout DJ techno ou autre pourrait venir te renseigner, tu peux le demander. Hein. Bah écoute, moi je peux te renseigner, Gérard, puisque je mixe un petit peu. Ouais, non, mais attends, allez. On s'éternise pas là-dessus. Hop, la question va être vite passée. Juste un truc avant, j'attends toujours le cours de Max qui m'avait promis, mais bon. De quoi? Non, c'est tombé, le message est passé. Ok, le message est passé. Allez, c'est bon, on enchaîne. Bon ben, toi bon. Tu verras ça avec Manu hors antenne. Alors dernière, oui. Il y a Col Roulé qui a pas répondu encore. Ah, t'arrêtes pas de m'oublier. Hein. Voilà, mais là on va pas s'éterniser sur la question parce que là je pense que sinon. De toute façon, je pense qu'on a le temps pour le débat des routiers parce que t'as pas fait les questions. Ouais, non mais ça. Bah, Donc tu peux y aller, hein. Tu peux envoyer une question au moins. Non mais de toute manière ils vont. Bon alors Col Roulé, vas-y. Ouais. Donc en fait moi je voudrais dire que ouais j'aime bien mixer quand je fais des soirées. En fait, je veux dire que le mieux en fait pour mixer quoi, c'est que t'es une gonzesse sur la console. Parce que moi comme ça, tu la fais vibrer dans tes vêtements. Oh mais attends, hein, Col Roulé. Dans ces cas-là, tu prends le truc de la loco quand les nanas sont là en train de danser, en train de s'éclater. Mais attends, je vois ça. Je vais regarder le reportage là qui a lieu vendredi sur une chaîne. Sur une chaîne. Ça c'est un truc spécial techno. Ouais. Technomania. Technomax. Non, c'est pas Technomax. C'est sur la TF1 avant minuit ou 1h du matin. Tu l'as dit. Hein. Demain? Tu l'as dit. Non, vendredi. Oui. Oui, demain soir, juste après, sans aucun doute. Voilà. En fait, Gérard. Oui. Sur IRC, il y a Snul qui te demande si tu aurais aimé être DJ. Non. Pourquoi? Personnellement, non. Pourquoi? Non. Pourquoi? Non, ça m'intéresse pas. Oui, mais pourquoi? DJ. Non, voir trop de monde, non. DJ. C'est bien. Non. donc. Gérard, avec tout ça, j'ai pas parlé de ma vie de DJ. Est-ce que je peux te raconter une anecdote? On se dépêche, Tony, parce que. Parce que là, je pense que. Donc, moi, je mixe un petit peu dans des soirées. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est faire bouger la foule. Mais moi, j'aime pas trop qu'on me fasse chier quand je suis dans mes aigus. Ça, je voulais le signaler. Bon, ben. Et j'achète mes disques à Techno Import. Voilà. Ouais ben merci Tony pour ta publicité. Dans ce cas-là, tu vas aller voir Manu. Attends, Gérard, Techno Import, c'est le magasin où Max va acheter chez. Ben oui. Alors donc pourquoi on peut en parler. On peut le dire. Tony. Après, on a plus de vinyle gratos donc. Ouais non mais Tony, tu es. C'est bien Tony, c'est bien. Tu retournes voir Manu au standard après. Ok. Il y a pas de problème, on y passe tous. Ouais non mais je pense que pour toi ça va être terminé là. Tu retourneras un jour, Gérard, au standard. Hein? Qu'est-ce que tu dis, toi? Hein? Moi, au standard? Bah, pour aider Manu, ouais. Non, c'est pas moi qui va répondre aux gens qui sont derrière. Ok? Alors, comment s'habiller pour aller en boîte? Donc, c'est la. Dernière question. La sixième. Oh là, merci pour le Larsen. Et donc, on va s'écouter Jo Couscous avec ma tante. Danse le. Voilà, c'est de pire en pire hein, les titres. Hein. Non, mais attends, c'est toi qui écris. Bah oui, Joe Couscous avec ma tante danse le reggae. Alors, danse le reggae, donc vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000 et 0870-5000. À venir, le débat qui portera sur les routiers, donc vous pouvez déjà nous appeler Manu. Voilà. Et il vous sélectionnera avec plaisir. Attends. Voilà. À tout de suite, Gérard. À tout de suite, Luc. Les débats, pas de radio et pas d'insultes. De Gérard. Bon, ben, Philippe, t'annonces le disque, hein, parce qu'à mon avis, c'était pas ça. Bah, c'est quoi alors? Bon, ben, Joe Couscous avec ma tante danse le reggae. Ah bon, ben, c'est bizarre parce que. Nouveauté. Ouais, une nouveauté. C'est pas mal, radio. Ok. Donc, on rappelle Crouton. Oui, je suis toujours là, Gérard, je pensais pas. Petit poil. Rebonsoir. Rebonsoir. Tuteur. Je suis encore là, ouais. Tu tiens debout? Ouais. Elle est facile, hein, franchement. Ah, je sais, merci. Pardon. Bon, Gérard, tu dégages au standard, faut que je te calme, faut que je te parle. Tu dégages au standard. Tony. Ouais. Le toujours là pour la fin du débat. Ouais, le disque c'était Zoubir avec. Ouais, Zoubir à l'aide. Col Roulé. Ouais, je veux dire, ouais, je suis là, j'ai. Donc, à la place d'Oignon, on a qui? À la place d'Oignon, pour l'instant, on n'a personne parce que la personne que je devais rappeler, eh ben, je n'y arrive pas. Ouais, on est tous là. Ok. Tu vois, j'ai donc, dernière question. Donc, comment êtes-vous habillé pour sortir en boîte hein? Col Roulé. Oui. Ouais, bah alors moi, je dois dire qu'en fait, pour aller en boîte, je vais habiller très classe, quoi. Ouais, mais attendez, avant de répondre à la question, j'aurais bien voulu que Rigo me donne un petit point internet pour savoir nombre de connectés. Petit point internet, actuellement sur le site, il y a 182 connectés. tu vois, t'as la liste, la classe, ici. Hein. Quand même la classe. Mm-hmm. Et il y a Sean qui te demande si il peut passer un bonjour à Nicolas. Ah, c'est pas le temps. Bah non, mais on peut lui faire un petit coucou à la personne. Bah, c'est fait. Donc voilà, donc. Coucou, hein. Non, mais donc on remercie tous les gens qui sont sur Internet. Ça me fait plaisir quand même de voir un joli 182 connecté sur Internet. C'est pas mal. J'applaudis. Et 182. Eh ben, continuez comme ça. C'est bizarre parce que là, j'ai fermé le Minitel. Mais si je peux l'avoir devant mes yeux. Non, ça ferait trop mal. Non, il y a zéro. 47 connectés. Oh, wow, attends. 47 connectés. Fais voir. Attends, tourne-moi le là. Non, mais c'est pas grave, je te le dis. Non, mais attends, moi, je vais voir. Ouais, zéro connecté, bien sûr. Ça a chuté vite, hein. Ah non, mais il y a deux minutes, il y en avait 47. Mais de toute manière, vous pouvez toujours nous appeler. Donc 0803 085000 et 0875000, toujours le site internet www.fr. Voilà, exactement. Après, je sais même plus. Et le Minitel 3615 Fun Radio. Voilà, toujours 3615 Fun Radio. J'essaierai de vous répondre en direct, mais si c'est pas des conneries. Donc, on va attaquer la dernière question. Oui, ça fait déjà trois fois que tu la poses. Non, c'est comment préférez-vous établir en boîte ? Non, mais même, je pense qu'on va en faire deux quand même, parce que on est jeudi. Et donc, comme les gens sont un peu sympas, ils sont en week-end. Ça va être le week-end, donc on va... Oh, allez, on va faire 10 questions. Ah non, peut-être pas. Il restera encore 2 questions après la 8e. Non, t'emballe pas non plus. On va en faire une et puis on va voir. Voilà. Allez, comment êtes-vous habillé pour sortir en boîte de nuit ? On va demander à Crouton. Bah alors moi, je suis habillée sexy, mais pas excentrique. C'est-à-dire ? Bah c'est-à-dire, j'évite tout ce qui est fluo, tout ce qui est excentrique, quoi, mais je suis sexy. Ouais, non, mais là, sexy... C'est-à-dire un petit pantalon trompette... Tony, s'il te plaît. Non, c'était col roulé. Ouais, ben, col roulé. Col roulé, tu vas te calmer. Ouais, je me calme, ouais. Ah, parce que sinon, moi, je vais te calmer, tu as zappé direct. Okay. Hein, je vais faire comme Oignon. Okay. Parce que là, maintenant, faudra peut-être qu'on fasse... Des débats corrects. Non mais ça se passe bien là, GG quand même. Ouais, là, mais non mais col roulé pour l'instant, je peux répondre à Crouton. Donc moi je peux vous dire une chose, que les trois quarts des nanas sont habillées ras des genoux et c'est tout juste si on leur voit pas leurs culottes. Ouais c'est vrai. Ouais, elles ont le cul bas quand même. Hein. Ouais ou des grosses culottes. Non, hein. non mais faut dire que quand même les nanas quand vous allez en boîte de nuit, vous n'hésitez pas. Oui, Rigaud. Quand il continue ta phrase, au moins. Les filles, vous hésitez pas. Vous hésitez pas à nous allumer. Ouais, mais n'empêche que vous aimez ça. Hein. Ouais, non, mais attends, on aime ça. Fais-moi confiance que, tu vois, comme Tony le sait, et tout le monde le sait, maintenant je suis avec Sandy. Et Sandy, jamais elle est sortie avec des trucs ras des genoux. Parce que moi, je vais te dire une chose. Non, mais attendez. Moi, je peux vous dire une chose, que dans les métros, quand je vois des trucs comme ça, ça me dégoûte. Bah, tu vois, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte quand tu vois des nanas comme ça, qui sont habillées comme ça. Ah, d'accord. Attends, parce que là... Non, mais attends, elles peuvent être bien foutues, si on veut. Bah, il y a des limites, hein. Non, mais il y a des limites. Non, mais attends. Et les limites, c'est des genoux. Voilà. Il y a des limites pour pas provoquer. Parce que après, dans ces cas-là, on va dire, ouais, mais on se fait violer. Alors, les nanas, arrêtez. Hein, parce que, attends, tu vas un peu loin, Gérard. Ouais, mais c'est pas parce que tu mets une mini-jupe qu'en boîte que tu te fais violer automatiquement, faut pas exagérer non plus. Ouais, mais attends, combien que ton boîte viole à l'heure actuelle ? Non, mais ça, on s'en fout, zéro. C'est pas le terme du débat. Bon, bah alors. Hein ? Gérard, oui. On n'est pas obligé d'être en jupe parce qu'on va en boîte. Il y a des femmes qui sont en jupe parce qu'elles y sont obligées par leur boulot. Ouais, non, mais attends, mais dans ce cas-là. Ouais, mais non, mais attends. Et qui c'est qui vient de poser cette question ? Bah, c'est Crouton. Ouais, ben Crouton, moi dans ce cas-là, moi je vais te dire une chose, dans ce cas-là, c'est de l'harcèlement sexuel. Bah, c'est tout. Bah, moi je suis pas tellement. Bon, mais moi je suis d'accord avec Gérard, t'as abusé là. Les trois quarts des patrons, si t'es pas en mini-jupe, de toute manière t'es pas pris. Et si t'as des culottes aussi, faut pas en mettre. Hein? Alors là-dessus. Moi, là-dessus... je suis secrétaire dans, dans une entreprise et excuse-moi, mais je trouve pas ça très sympa quand tu dis que le patron nous accepte pas lorsqu'on n'a pas de mini-jupe. Je suis en jupe tout simplement et j'ai jamais été harcelée, quoi. Ouais, ben moi, j'ai été harcelée, moi. Oui, qui ? Petit poil. Oui. Parce que il m'oblige à me mettre en mini-jupe et sans culotte. Ah, voilà. C'est dégueulasse. Ah, voilà. Ça, voilà. C'est, en plus, c'est dans le, c'est dans le débat. Hein. Alors, attendez. C'est grave dans le débat. Grave, la milieu de la nuit, la discothèque, tout bah, ça. Gérard, ce que tu devrais faire, elle t'a peut-être donné une bonne idée, là, je sais plus si c'est petit poil. C'est ou... petit poil, ouais. Petit ouais. poil, tu pourras peut-être faire dans les semaines à venir un débat sur le harcèlement. Ouais. Mais pour l'instant, on est quand même dans la discothèque et le milieu de la nuit. Ouais. Il serait sage d'y revenir au plus vite. Tu sais qu'on n'est pas resté longtemps dans la discothèque. Non, on a été partout. On a été vers Suresnes, l'accordéon. Et... Justement, pour reparler de la discothèque, il y a Snul oui. sur IRC qui te demande, Gérard, comment faut-il s'habiller pour aller en discothèque et pas se faire refouler par le gros gorille à l'entrée. Ouais. Alors ça, c'est une très bonne question, justement. C'est bien, Hugo, tu travailles bien, toi. Bermuda, déjà, à mon avis. Merci, non, non, merci. Non, mais de manière, pour l'instant, je n'ai pas trop à me plaindre de Manu, à part qu'il n'a pas toujours... parce que j'ai demandé. Donc la question... Bon, toi, pour l'instant, ça va, tu te la coules douce. La question, Gérard, tu réponds. Donc, je réponds à la question. Donc, c'est qui, Hugo? C'est Snul. Alors, Snul, moi, je peux te dire une chose... C'est que j'ai quelqu'un qui une fois qui a voulu aller à la loco, qui s'est pointé en jean et qui a été refoulé. Oh. Pourquoi? Il était habillé tout en jean comme moi. Souvent je suis en jean et autres. Bon bah, ça va parce que moi je rentre avec vous, mais le mec il a été refoulé. Et ouais. Il s'appelle Titi et ouais, Titi. Je l'ai vu ce mec-là, il était venu en chaussons et avec un boa aussi, c'était abusé. Ouais, ouais, mais t'as raison. C'est celui qui nous a emmené en Allemagne avec Sandy, d'accord? Alors, tu le connais pas, ok? Alors tiens, Tony, comme t'as une grande gueule, comment que tu t'habilles, ouais, bah, toi? Je vais l'ouvrir, ouais. Ouais, bah tu vas l'ouvrir, ta gueule. Ouais, ouais, bah parce que moi je vais, bon, classique, hein, en jean, en basket et puis en chemise. Ah, tu rentres pas en basket? Ouais, non, mais attends, moi, je rentre, Tony! Ouais. Dans ces cas-là, pourquoi pas... Moi, il y a une question que je suis en train de me poser. Ah. Pourquoi pas y aller en costume-cravate? Bah oui. Et tu te fais refouler, Gérard, en costume-cravate. Bah ouais, mais attendez, mais costume-cravate, tu vois que ça toute la journée dans le métro, que ça soit dans les bus, n'importe où. Tu vas dans un café pour prendre un sandwich. Moi, j'ai vu ça cet après-midi. Bah, tu vois des mecs en costume cravate. Ouais, mais c'est des cadres. Hein. Mais voilà. Ah ouais, mais c'est des cadres. Tu vas pas les. Bah ouais, mais attendez, mais dans ces cas-là, pourquoi qu'on accepte des mecs en costume cravate dans des boîtes de nuit et pourquoi qu'on refoule des gens en jean? Ouais. Moi, je ne suis pas d'accord. Gérard, ouais, c'est bien. Je ne suis pas d'accord. On me dit qu'on a... Gérard, sur IRC, on me dit que on accepte les costard cravate parce qu'on n'accepte pas les costards crado. Bah ouais, mais même, je crois. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Eh, hey, Olivier. Non. Toi, tu vas travailler ailleurs. Je cherche les auditeurs. Non, toi, tu vas. Pour une fois qu'Olivier bosse, je suis seul à bosser. Depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure. Ça se passe plutôt bien. J'entends allô. Ah, d'accord. Et je viens de regarder, c'est toi. Alors donc. Je dis plus. Non, mais dégage. Non, je te promets, je t'ai fait. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant. Gérard. Dégage. Voilà. Hop, au revoir. J'ai rien fait. Dégage, tu prends ton café, tu vas sur le site internet, tu vas dialoguer avec Rigo. Toujours pareil. Et c'est tout. Voilà. Tu l'as vexé, Gérard. Non, mais même, attends. Ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, je vois pas pourquoi qu'il arrive. Et j'entends des allô et allô. Ouais, moi c'est clair, on m'entend pas dire allô. Hein? Donc, je me demande comment tu fais pour être aussi concentré dans ton débat, Gérard. Tuteur. C'est extraordinaire. Tuteur. Oui, je suis là. Donc, toi? Ben, personnellement, moi, je m'habille en pantalon parce que enfin, j'aime pas les jupes, quoi, mais bon, ça, c'est... Mais c'est aussi plus agréable d'être en pantalon pour danser, parce que c'est plus pratique, quoi. Si tu es en jupe, bon, enfin... Puis, comme disait Petit Poil... Ouais. Je sais pas, enfin, les jupes, c'est vrai que c'est quand même, ça allume pas mal, quoi. Bon, réveille-toi, petit poil. Hein. Allez, on va te Allez, qui c'est qui a pas répondu? Petit Tony. Poil. Non, petit poil, tu viens de répondre. Mais non, c'était tuteur. Ah, c'était tuteur, pardon, excuse-moi. Petit poil, vas-y. Ouais, alors moi j'aime bien aller en boîte en tailleur et en robe longue pour donc pour pas allumer justement. T'as pas chaud avec tout ça? Non, je me déshabille vite fait. Moi, bon, mettre manière pour voir. Il y a des vestiaires. Non, ouais, ouais. Mettre manière, il y a un vestiaire pour mettre les fringues, mais faites-moi confiance que quand vous voyez après, vous êtes quand même des allumeuses. Hein. Alors, venez pas nous dire le contraire. Mais il faut pas généraliser, Gérard. Ouais, mettre manière, je prends pas mon cas pour une généralité, d'accord? Ok, chef. Ok. Ok. Bon, alors maintenant on fait la conclusion. Donc, Crouton. Moi, la conclusion, c'est que ça n'a pas apporté grand-chose sur ce débat. Ouais. Mmh. Bon, il y a eu des choses peut-être intéressantes pour certains. Enfin, pour moi, je trouve pas, hein, mais peut-être que pour certains, il y a eu des choses intéressantes. Non, mais est-ce que pour toi, est-ce que le débat s'est bien passé? Oui, ça c'est sûr, il s'est très bien passé, mais il n'y a pas eu grand-chose d'intéressant parce que je trouve que tu t'es énervé un peu trop vite. Hey, Crouton, oui. Crouton, je me suis pas énervé. Je pense que je vous ai répondu à chaque question que vous m'avez posée. Gérard, t'as trop généralisé sur tout le monde. T'as pris un exemple et ça y est, t'as généralisé. Mais oui, mais de toute manière, là-dessus, je suis obligé de voir. Pour essayer de mettre un peu d'ambiance. Ok. Ah, t'as eu raison. Parce que de l'ambiance, on a mis, hein. Ouais, ben, à part Oignon que j'ai viré, sinon, j'ai viré personne. Maintenant, Max est là. Donc, Max, il va peut-être nous renseigner sur le prix de... 2 millions. J'ai écouté. Donc, pour toi, dans les soirées, est-ce que vous aimez mixer? Donc, on m'a dit que... Bon, non, toi, dégage. Merci, Olivier. Là, Gérard, je t'écoute. C'est quoi la question? Non, parce que combien, j'ai demandé... J'ai écouté. Donc, on m'a... J'ai entendu des chiffres, donc genre que pour le prix, combien coûte aujourd'hui du matériel pour mixer correctement? Donc, j'ai entendu 1 à 2 millions. Moi, j'ai dit... Olivier a dit 50 millions. Ouais, j'ai écouté, ce qu'on dit. Lui, il m'a dit... Enfin, il a dit qu'il était comme toi, à peu près entre 1 et 2 millions. Non, il m'a dit 250 balles. Non, ça, c'est la table de mixage. Ouais. Et puis... Rigaud a confirmé. J'ai écouté. 254 francs, j'étais là. Ouais. Et toi, pour toi, personnellement, toi, qui est un grand amateur de mixage, toi qui aimes bien mixer, donc, pour toi, le prix, on va... Alors, moi, je pense qu'il faut aujourd'hui plus de 1 ou 2 millions. C'est-à-dire que si tu veux du bon matériel pour mixer un peu comme à la loco, mm-hmm. je pense qu'il faut mettre dans les 7-8 millions. Ah. Nouveau. Donc, ça fait 70 000. 70 000 francs. 70 000 à oui, 80 000. 80 000 francs, à peu près. Mm-hmm. Pour une table de mixage, j'entends. Ouais. Si tu veux avec les platines, moi j'ai ça chez moi, il y en a pour 120 000 balles. Ben d'accord. Attention, non, mais ce qui est bien après, c'est qu'une fois que t'as le matos, je parle pas des amplis, des enceintes. Hein. S'il y a plus des amplis, des enceintes, il faut ajouter 40 000 balles. Après, ce qui est bien, c'est que les disques, bon, c'est du vinyle, comme ça en import, c'est des imports. Ouais, comme Tony nous a dit. Bon, je vais acheter ça, tu l'as dit tout à l'heure, sans faire de marque. C'est Tony qui l'a dit, c'est pas moi. C'est à peu près dans les 400 francs un disque. Mais moi. Donc c'est pas très très cher après. Après, c'est pas très très cher. Non. Mais moi, 400 francs le disque, ça, c'est la passion. Moi, j'en achète à peu près 40. Je m'en sors pour 4 000 à 10 000. Enfin, entre 4 et 15 000, 20 000 francs. Mais pour moi, acheter des disques. Une question que. Qui te brûle les lèvres. Te poser. Elle te brûle les lèvres, je crois, non? Je l'ai posée à Rigaud. Ouais. Et Rigaud m'a dit que ça. Il me dit oui. Est-ce que quand tu mixes. Par exemple, avec le disque, comme tu fais, toi, à la loco, ouais. Est-ce que ça l'abîme ou pas? Rigaud m'a dit oui. Oui, parce que le problème, c'est que lui, c'est un DJ de hip-hop, ils savent pas manier les disques. Il l'a dit trop vite, oui. Dans la techno... Bon, non, toi, tu sais pas mixer. Alors toi, va apprendre à mixer. Non, mais en techno, on scratche pas. Comme ils scratch, mm-hmm. nous, on n'utilise pas ça, scratch. On utilise un peu le velcro. Mais est-ce que ça abîme... Non, parce que ça agrippe. Non, ça l'abîme pas. Ça abîme pas le disque que tu veux mettre. Parce que si tu veux pas abîmer le disque que tu veux mettre, par exemple, au lieu de jouer la face A, tu vas faire exprès de scratcher sur la face B. Comme ça, le disque que tu veux écouter, c'est sur la face A. Tu l'abîmes pas, le disque. C'est simple. Si tu veux pas abîmer. Non, mais c'est une technique, hein. C'est très technique. Je reconnais, je m'excuse, je fais un peu on fait une parenthèse. Si vous voulez pas abîmer les morceaux que vous aimez bien sur le vinyle, par exemple, si sur la face A, c'est le morceau que tu adores et que tu veux le mixer, pour pas l'abîmer, tu joues la face B. Non, mais dans ces cas-là, tu passes à... Et tu retournes le disque. Mais comment tu peux retourner le disque quand t'es en boîte? Tu joues pas. Tu joues pas le disque. Tu l'écoutes pas, c'est tout. C'est-à-dire que tu vas passer un disque en disant voilà, sur la face A, je voulais passer le tube de Das Fuck. Das Puck. Et bah tu dis ok, je vais pas miver mon disque en mettant les doigts dessus, donc je joue l'autre face, donc c'est un morceau qui est pas connu, mais les gens savent que sur ce morceau pas connu, sur l'autre face, il y a le tube. Donc ça mime pas le non, disque. Non, ça mime pas la face A. Ouais, non, mais même que ça soit la face A ou B, on s'en bat les. Non, ça le bousille le disque, ça l'oreille. D'accord. Okay. En gros, t'achètes le disque, tu le mets trois fois en soirée, il est mort, il faut en racheter un, et un disque, ce disque, ça coûte pas cher, avec Grigo, il peut te dire, en hip-hop, c'est à peu près pareil, à 5 francs près. Ouais, c'est dans les 400 francs. 400 normal, francs, ouais. En import, ça a coûté 600 balles le disque, mais ça vaut le coup. Ouais, et en marbre, encore plus cher. Ouais, mais je pense que maintenant, on n'arrive plus à trouver des... Maintenant, c'est uniquement... Ah, c'est-à-dire que si tu cherches le live du Palais des Sports de Johnny en 77, en vinyle, c'est un peu dur. Je l'ai. Attends, non mais en techno, c'est à peu près 600 francs le disque, c'est pas très très très cher. D'accord. Genre que pour faire une bonne soirée, pour faire un bon mix de 3 heures, il te faut à peu près 50 disques, donc tu calcules 50 multiplié 50 disques à peu près. On va dire 100 disques pour faire une nuit complète à 600 francs le disque. 200 000. Ça fait à peu près 60 000 francs. Pour 60 000 francs, tu peux faire une bonne soirée. Et donc, grosso modo, donc pour finir, pour répondre à la question que j'ai posée. De toute manière, j'aurais pu la poser la question à tous les auditeurs. Oui, vas-y, pose la question. Donc, même s'ils sont encore là... Oui, mais vas-y, pose la question, c'est quoi? Donc, pour toi, donc, tu serais prêt à mettre combien dans toute une table? Donc, toi, pour toi, 120 000. Ma bite entière. Ouais, c'est ça, ma bite entière. Ok, je te remercie, Max. Donc, Crouton. Oui, bah, je viens de faire ma conclusion. Donc, petit poil. Ouais, bah, alors moi, je dirais que, certaines choses, t'as raison. Mmh. Mais en fait... certaines choses, tu crois toujours avoir raison, et en fait, quand on n'est pas d'accord, tu essaies de toujours avoir le dernier mot, ce qui est dommage. Et bon, sinon, ça s'est bien passé, c'était calme. Donc, ce serait bien que ça bouge un petit peu, quoi. Ah, ben, que ça bouge. C'est où elle est que ça bouge? Dans ces cas-là, le deuxième, je vais bouger plus. Ok. Je vais m'énerver, et voilà. Ça va être encore plus dur. Mais non, parce que là, je vais m'attaquer. Non, mais attends, petit poil. Là, je vais m'attaquer sur un truc que j'ai vécu. C'est les transports routiers. C'est du lourd. Ouais, mais on l'a déjà fait, ça, les routiers. Et alors, si ça te plaît pas, tu fais une chose, t'écoutes ta radio, tu zappes sur notre radio. Non, ok. En de bon entendeur, salut. Ouais, bon bref. Non, mais ce que non, il n'y a pas de... Non, bon mais bref. T'es pas obligé de t'énerver pour avoir de l'ambiance. Non, mais attends. Dans ces cas-là, tu me dis, ouais, je me suis pas énervé, mais attends, moi, c'est mon chef qui m'a dit de pas m'énerver ce soir. Non, mais tu peux t'énerver si ça reste cohérent. Si tu t'énerves sur quelqu'un qui dit des conneries, d'accord. Si tu t'énerves parce qu'un mec, à un moment donné, parle au-dessus d'un autre, c'est pas normal. Par contre, sur les routiers, ça risque de gueuler. Mais c'est normal, c'est ton métier, c'est un amour de métier. Eh ouais. Et ça, tu parles. Putain, merde. Alors, tuteur. C'est la première fois que je participe à ton débat et je trouve que c'était plutôt cool, quoi. Mais c'est vrai qu'il faudrait qu'on s'écoute un peu plus les uns les autres parce que c'est un peu le bazar des fois. Ouais, non, mais ça, écoutez-nous les uns les autres. Aimons-nous aussi, hein, putain. Ouais, il y a aimons-nous, je pense. Aimons-nous, putain. Ok, Tony. Oui, aimons-nous. Mais moi, je voulais, puisque Max est là, il faudrait que tu lui demandes, parce que tu me croyais pas, le prix d'une platine russe. Alors, le prix d'une platine russe, j'ai entendu parler d'en euros. C'est Pierre Import. Pierre Import, moi je l'ai vu chez Pierre Import. Je sais pas, je crois que c'est... Pour deux putes ukrainiennes, je pense que tu peux avoir du bon matos. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est une demi-lada, quoi, à peu près. Ouais, à peu près, ouais. Bon, col roulé pour terminer. Ouais, voilà. Bon, pour ma conclusion, moi, je voudrais dire qu'au début du débat, je me doutais que les filles étaient des allumeuses en boîte de nuit, mais là, j'en ai eu confirmation. Voilà. Ouais. J'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Gérard, effectivement, pour les filles qui se permettent de mettre des choses ras la foufoune jusqu'à la hauteur des genoux. Ça peut pas être permis, ça. Moi, je trouve ça, également, je trouve que c'est, en fin de compte, c'est provoquer l'acte sexuel. Voilà. Donc, moi, conclusion de ce débat, je pense que j'ai pas trop de choses à rajouter parce que j'ai répondu à peu près à toutes vos questions, même sur Internet. Peut-être que j'ai pas pu tout le monde a pas pu comprendre ce que en plus, je disais. Là, ça augmente, il y a 250 personnes. Oh là là, ça va. Mais c'est en Minitel, zéro. Qu'est-ce que tu donnes? Donc le deuxième débat portera sur les routiers. Ouais. Donc on va s'écouter Patrick petit Suisse avec ma cravate marche au diesel et vous pouvez toujours nous appeler. Bon, mais attends, c'est l'autre cave. Donc, les numéros à rappeler, Manu. Ils ont changé ou quoi, non? Bah non, ça a l'air de marcher toujours. 0803 08 5000 et 0875 voilà. 6000 si ça marche. Et toujours 3615, Cloud Fun Radio, rubrique avec toujours l'internet www.fr, Fun Radio. Et je vous retrouve d'ici 10 minutes.